neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Bistro Lapinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la Bistro Lapinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioerlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Chers camarades transcuire, auditrices, auditeurs et autres étrangetés fugitives, bienvenue dans cette émission de la Distro Lapinothèque sur les ondes de Radio Air Libre. Émission que vous suivez certainement avec ferveur face aux tempêtes et tumultes modernes de la médiocrité du spectacle. Dans cette inoubliable épopée radiophonique, on vous présentera tout d'abord Quilombos, communauté d'esclaves insoumis au Brésil, de Flavios dos Santos Gomes, aux éditions L'Échappée. Dans son livre, il nous explique comment des esclaves se libèrent et fondent des communautés appelées quilombos. Ces républiques libres et auto-organisées repoussent les nombreuses attaques des colons et deviennent pour plusieurs siècles le symbole de la résistance au régime esclavagiste. Ensuite, nous partirons dans les bas-fonds de Los Angeles avec Aucune bête aussi féroce d'Edward Bunker pour son premier roman noir sous forme d'autobiographie. On y suit en détail un détenu qui purge son dernier jour de prison et qui tente de savourer ses quelques instants de liberté. Ce qu'il attend à l'extérieur, pas grand-chose, à part son responsable de conditionnel et son passé criminel. Accrochez-vous, il n'y a ni frein ni parachute, nous opérons un saut périlleux et sans retour dans les quartiers malfamés de Los Angeles des années 70. Puis c'est pas tout, il y aura de la zic à déplumer un hérisson desséché par les bétonneuses avides de la modernité. Donc restez bien scotchés et pour commencer, on s'écoute. Vin Gordon, l'un des grands trombonistes jamaïcains, interviewé exclusivement dans le dernier Chéri Bibi, dont on vous en touche deux mots juste après. C'est une plaque sortie en 75 chez King's Jubies avec le titre Magnum Forces. Thank you. présentera pas en détail cette fois-ci, mais sachez juste que le fameux numéro 12 de la revue de contre-culture populaire Chéri Bibi est sorti. Et oui, pour ses 30 ans, Chéri Bibi se paye une couverture en papier glacé qui fait étrangement penser au fameux film Orange Mécanique de Stanley Kubrick. En sous-titre de la revue, nous avons « Boxe, rock'n'roll et délinquance juvénile ». Vous vous en doutez, ce 12e opus déborde d'articles truculents. À l'affiche, nous avons un gros article plein de références sur la thématique de la délinquance juvénile au travers des Girls Gang, dans la production littéraire et la production cinématographique. Il y a ensuite un article sur Tura Satana, la fameuse actrice de Faster Pussycat Kill Kill Kill. Puis c'est un grand classique chez Chéri Bibi, sa cause sport de combat, avec un papier sur la boxe thaï en Indonésie. Vous vous en doutez, un tas d'interviews exclusives dont celui de Jean-Pierre Donnet, fondateur de la revue mythique Metal Hurlant. Mais aussi d'Emory Douglas, un des illustres illustrateurs du Black Panther Party aux États-Unis. Puis ça continue encore et encore avec plein d'interviews exclusives, plein de nez. Sans oublier un retour sur les 30 glorieuses des Chéri Bibi. Avec ces 130 pages mises en boîte, il y a de quoi largement grailler la contre-culture populaire en petites coupures et d'inviter le voisinage. Et comme la revue ouvre les festivités avec un excellent article qui s'intitule « Les femmes ont inventé le rock'n'roll », on s'écoute « Let in Shine » de la fameuse et mythique Sister Rosetta. This little light of mine, I'm going to let it shine. You know this little light of mine, I'm going to let it shine. Let it shine, shine, shine. Everywhere I go, I need to let it shine. Everywhere I go, I mean to let it shine. Bonsoir, ce soir je vais vous parler de révolte d'esclaves. Et je vous avoue que je voulais mettre un petit son, un fond sonore de film, avec un fond de révolte, avec une mutinerie sur un bateau par exemple, avec des cris de rage, de liberté, face à la violence, du fouet et de la pendaison pendant l'essor des sociétés coloniales, entre le 16e et le 19e siècle. J'ai cherché sur internet des films, des images, et en fait c'est difficile à trouver des images de lutte collective, de résistance de cette période-là. Il y a pas mal de films où on peut voir la violence horrible des colons sur les esclaves, mais pas de résistance et de lutte. Ces luttes ont bien existé, c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Je vais vous parler du livre Quilombos, Communauté d'esclaves insoumis au Brésil, de Flavio dos Santos Gomes, paru aux éditions de L'Échappée. C'est un livre qui parle de comment les esclaves se libèrent et fondent des communautés appelées quilombos. Ces républiques libres et parfois auto-organisées sur certains points repoussent les nombreuses attaques des colons et deviennent, à certains endroits, pour plusieurs siècles, le symbole de la résistance au régime esclavagiste. C'est donc un livre qui parle de résistance des esclaves d'origine africaine. Je vais utiliser le terme d'origine africaine, mais je ne veux pas nier qu'il existe une myriade de langues, de cultures, de religions et d'origines très variées qui ne forment pas du tout un tout homogène. Donc, du 16e au 19e siècle, sur tout le continent dit américain, l'essor des sociétés coloniales a nécessité le travail forcé de millions d'esclaves. Parfois des esclaves dits indigènes, donc qui sont issus des régions colonisées, et parfois des esclaves issus du continent africain. Par rapport à la base économique des Quilombos, la majorité des Quilombos vivaient de l'agriculture, notamment de la culture et la transformation du manioc, de la production de riz, mais aussi parfois de la culture des haricots. Dans des régions plus proches des forêts, implantées en Amazonie, les Quilombos vivaient de pêche et de chasse. Certaines communautés travaillaient aussi le bois, la céramique et vivaient de petits artisanats. Dans d'autres régions, c'était l'extraction de minerais et de pierres précieuses. Et bien sûr, la revente de tous ces produits, qui était importante et qui se faisait via des contacts avec des marchands et des taverniers. Une autre base économique non négligeable, c'était le pillage des grandes propriétés. La base économique des Quilombos était donc multiple, mais elle restait toujours ouverte sur l'extérieur. Les communautés ont pu se développer grâce à leur interaction avec les senzelas. Les senzelas, ce sont les quartiers où habitaient les esclaves à l'intérieur des plantations. Et donc c'était des contacts entre Quilombos et senzelas qui permettaient d'écouler les productions, ce qui avait été produit par les Quilombos. Ces relations étaient importantes et elles permettaient aussi parfois la fuite d'autres esclaves qui pouvaient rejoindre les Quilombos. Palmares. Palmares est situé dans le Pernambouc, à l'est du Brésil. C'est une des communautés la plus célèbre. La plus célèbre parce qu'elle était composée de nombreux Quilombos. On parle de plusieurs milliers de Quilombos. C'est aussi une communauté qui a existé pendant très longtemps, de la fin du XVIe siècle jusqu'à sa destruction début du XVIIIe. On parle de... Certaines sources parlent de 15 000 habitants, d'autres jusqu'à 20 ou 30 000 personnes qui habitaient à Palmares. Beaucoup d'esclaves ont fui dans cette région car elle était idéale, car entourée de montagnes. On vient de s'écouter Zombie de Soulfly, un groupe brésilien. Zombie est une chanson qui parle d'un leader du même nom, un personnage qui incarne les luttes anti-esclavagistes et anti-coloniales au Brésil. Parce que justement au XVIIe siècle, le gouverneur de la région du Pernambouc propose aux insurgés du Quilombo des Palmares de se rendre. En échange, le pardon leur sera accordé, les esclaves pourront retourner à leurs travaux, sans punition ni exécution. Il y a un leader, Ganga Zumba, qui accepte. Zumbi refuse et devient le symbole d'une résistance qui va durer plus de 15 ans. Je vous lis un passage lié à cette histoire et au-delà. Les attaques massives des troupes de mercenaires spécialement recrutées pour l'occasion, dont le chasseur d'esclaves Domingo Jorge Velo, et l'usage de canons pour abattre les palissades finissent par avoir raison de Palmares, qui est détruit en 1695. Les forces coloniales fouillent les montagnes à la recherche de Zumbi. Sans succès. Bien protégé, celui-ci est finalement trahi et assassiné le 20 novembre de la même année. Malgré l'annonce de sa mort colportée aux quatre coins de la colonie, la lutte contre Palmares est loin d'être terminée. Il y a encore des milliers de quilombos dans les montagnes de l'Alagoas. Et la capitainerie voisine commence à voir affluer ceux de Palmares. Les combats se poursuivent et le quilombo de Kisama est attaqué en 1696. Camoanga devient le nouveau chef de Palmares. L'occupation progressive des montagnes du Pernambouc repousse les quilombolas vers les régions voisines. Durant les premières années du XVIIIe siècle, les autorités coloniales luttent toujours contre les communautés maronnes de Palmares. Camoanga est tué en 1703 lors d'une attaque. Les troupes coloniales restent dans la région jusqu'en 1725 pour empêcher toute tentative de réorganisation. Et donc ce quilombo a perduré jusqu'en 1736. Enfin, Palmares a été détruit, mais il a continué à avoir des quilombos qui se sont réfugiés et qui ont continué à vivre dans les alentours. La destruction de Palmares a demandé beaucoup de préparation et beaucoup d'énergie à l'armée et au gouvernement. Suite à ça, le pouvoir s'organise de manière préventive pour éviter de revivre des épisodes comme ça. Il fait passer des lois pour permettre le recours systématique à des chasseurs d'esclaves, en donnant beaucoup de titres et de permis de chasse. L'idée, c'est de combattre le développement des quilombos dès leur début, de faire de la prévention pour éviter totalement qu'ils puissent s'organiser et résister. Les punitions sont de plus en plus lourdes. Marquage au fer rouge, amputation de tendons, etc. Ben voilà, je trouvais que c'était une histoire importante à faire revivre et à raconter, ces histoires de lutte et de résistance. J'espère que, vu l'engouement actuel pour les luttes décoloniales, peut-être qu'il y aura plus de films sur ces résistances et ces luttes qui ont existé, on en a bien besoin. Et pour clôturer ce sujet, on s'écoute un groupe de punk brésilien, Mercenaria, avec le titre « Policia ». Polícia vai, para toda a cidade. Polícia vai, para todo o futuro. Polícia vai, toda a velocidade. Vai para a sua parte, vai para os documentos. Polícia vem, polícia vai, polícia vem, polícia vai. Onde é chamada? Polícia vai, onde é chamada? Polícia vai, onde é chamada? Polícia vai, onde é chamada? Polícia vem, polícia vai, polícia vem, polícia vai. Para toda a cidade. Polícia vai, para toda a cidade. Polícia vai, para todo o futuro. Polícia vai, toda a velocidade. Vai para a sua parte, vai para os documentos. Aucune bête aussi féroce, d'Edouard Bunker, aux éditions Rivage Noir. J'étais assis au fond de la cellule, sur la cuvette des toilettes, dépourvue d'abattant, en train de faire reluire les hideuses chaussures au bourron que le règlement accorde aux prisonniers sur le point d'être libérés. Mon esprit exultait d'une mélopée d'allégresse. Je serai un homme libre au matin. Mais en dépit de mon exaltation, la joie de partir après 8 calendriers passés en prison n'était pas sans mélange. Je ne lustrais pas tant les horribles chaussures pour en améliorer l'apparence que pour me soulager de mes tensions. J'étais plus nerveux devant ma libération sur parole aujourd'hui que je ne l'avais été en pénétrant ici il y avait bien longtemps. Il m'était de quelque secours de savoir qu'une telle appréhension était des plus courantes, bien que souvent niée chez les hommes pour lesquels le monde extérieur se faisait de plus en plus vague les années passant. Laisser quelqu'un en prison suffisamment longtemps et il se retrouvera aussi mal armé face aux exigences de la liberté qu'un moine trappiste jeté au milieu du maelstrom de New York. Mais le moine aurait au moins pour lui sa foi qui le tiendrait, tandis que l'ancien prisonnier ne dispose que du souvenir de la prison, le souvenir d'échecs passés et la conscience brûlante de se retrouver extollard, rejeté par la société. Et voilà comment s'ouvre le polar « Aucune bête aussi féroce » d'Edouard Bunker aux éditions Rivage Noir. À la question « Quel est le grand roman des bas-fonds de Los Angeles ?», James Ellroy répond « Aucune bête aussi féroce » d'Edouard Bunker. Si le jugement ne manque pas d'arguments, il peut se discuter, mais c'est incontestablement par sa précision et sa rigueur de détail le meilleur livre jamais écrit sur le thème du vol à main armée. Une activité criminelle à l'image surfaite et trompeuse dont les ouvrages de fiction font habituellement leur chou gras. Quant à l'analyse qu'il nous offre de la psychopathologie criminelle, elle place le roman au rang du génie du mal et du sang-froid et du chant du bourreau. Max Dembo sort de prison. Libéré sous condition, il essaye sans grande conviction de devenir honnête. Mais la vie criminelle reprend ses droits. Par une série d'actes autodestructeurs, Max conforte sa décision de devenir voleur à main armée. Il replonge dans les bas-fonds de Los Angeles où il se mêle à la faune des truands de bas étage. Les explosions de violence se succèdent, échappant à tout contrôle. Mais Edouard Bunker nous offre au fil des pages une vision pénétrante et stupéfiante des réflexions intimes de Max Dembo. Finesse des observations sociales, analyse impitoyable du comportement de son personnage, sans concession ni justification, jugement implacable sur la loi du milieu et ses dérisions ultimes et détails à foison. Edouard Bunker, ex-voleur, emprisonné à Saint-Quentin, accumule les observations tant dramatiques que psychologiques. Max Dembo l'arc son responsable de conditionnel, début stupéfiant qui déclenche une succession infernale d'événements. Max Dembo offre à un mouchard un épitaphe approprié, geste symbolique qui illustre parfaitement un livre où rien ni personne n'est épargné. Ce roman est d'une originalité absolue, un chef-d'œuvre noir resté négligé. Méfiez-vous, là où il vous emmène, vous ne sortirez pas intact de votre rencontre avec Max Dembo, signé James Ellroy. Après une pause musicale avec Das FX Hardcore, on reviendra sur la vie d'Edouard Bunker, auteur de Aucune bête aussi féroce. Fucking with dice, you wind up in the house. Spindle, so what's my riddle? When I was Retour avec le polar Aucune bête aussi féroce, plongeons dans l'histoire d'Edward Bunker, qui fait partie de ces rares écrivains américains qui sont arrivés à créer une littérature authentique à partir de leurs expériences criminelles et de prisonniers. Né en 1933, il décède à l'âge de 71 ans en 2005, après les maisons de correction, les écoles militaires où il développe une haine contre toute forme d'autorité, il passe presque tout son temps en prison. Jusqu'à l'âge de 40 ans. Agression, hold-up, trafic de drogue, il fréquente Saint-Quentin, Falls, tâte du cachot et devient à moitié dingue. Mais l'isolement lui donne du temps pour lire et découvrir l'écriture, car il a une marraine, Louise Wallis, ex-star du cinéma muet. D'ailleurs, ce premier polar de Bunker, Aucune bête aussi féroce, lui est dédicacé, ouvrir les guillemets, à celle qui, à 18 ans, m'a offert son amitié et une machine à écrire, fermez les guillemets. Afin de mieux comprendre la puissance hors du commun d'Edward Bunker, il est nécessaire de rappeler certains détails d'une existence proche du nihilisme. Bunker est né et élevé à Hollywood, Californie. Au contraire de la grande majorité des criminels américains, il est né blanc. Son père était machiniste de théâtre dans la région de Los Angeles. Il lui arrivait de trouver des emplois temporaires dans les studios de cinéma. Sa mère était danseuse professionnelle et fit partie des troupes de Girls dans les films de Busby Berkeley. Parce qu'il était alcoolique, le père de Bunker se trouva à l'hôpital d'État. Et le couple divorça alors qu'Edward avait à peine 4 ans. Il fut abandonné par sa mère et le père le plaça dans un foyer d'adoption. La grande dépression économique et la vie de famille brisée, l'univers du gamin bascula. Il connut les séjours en foyer d'adoption et école militaire d'où il commença à s'échapper systématiquement. À 11 ans, on l'enferma pour un bref séjour dans un asile d'aliénés. Et un an plus tard, il fut envoyé dans une maison de redressement pour délinquants juvéniles. Une nouvelle fois, il s'enfuit avant d'être à nouveau capturé puis condamné, mais cette fois dans un établissement beaucoup plus dur, réservé à des garçons difficiles et indisciplinés. Il y resta pratiquement une année, et à l'âge de 14 ans, il fut libéré sur parole. En liberté depuis 29 jours, il fut capturé pendant le cambriolage d'un magasin de spiritueux. Blessé par balle, sans que ce soit très grave, par le propriétaire du magasin. Ce nouveau crime gagna à Bunker un séjour à la prison pour jeunes délinquants de Lancaster, bien qu'il fût considérablement plus jeune que la plupart des pensionnaires incarcérés là, dont l'âge devait se situer selon les termes de la loi entre 18 et 25 ans. Pendant toute cette période, Bunker se trouva immanquablement jeté au milieu des criminels bien plus vieux et endurcis que lui. Après avoir poignardé un gardien de Lancaster, il fut enfermé à la prison du comté de Los Angeles. À la réputation d'infamie bien établie, il n'avait que 15 ans et c'est là qu'il eut pour compagnon plusieurs assassins célèbres qui attendaient leurs exécutions. On estima Bunker trop jeune pour le pénitencier et il fut donc remis en liberté conditionnelle. C'est au cours de cette période de liberté qu'il connut Mademoiselle Al Wallis, qui se prit d'amitié pour lui. À cette époque, Bunker, âgé de 16 ans, avait déjà commencé à vendre de la marijuana et à pratiquer avec enthousiasme le vol sous toutes ses formes. Durant une poursuite sauvage avec la police à ses trousses à travers les rues de Los Angeles, l'automobile qu'il conduisait vint emboutir 3 autres voitures et un fourgon postal, avant que Bunker fût finalement appréhendé. Il était encore trop jeune pour être enfermé dans une prison pour adultes. Il se retrouva donc encore une fois expédié à la prison du comté de Los Angeles, d'où il se dépêcha de s'évader. Mais il avait déjà à ce stade épuisé toutes ses réserves de chance, à cause de son évasion et parce qu'il avait maintenant 17 ans. Il fut condamné à 2 peines d'emprisonnement confondues en 6 mois, à 10 ans et envoyé à Saint-Quentin. Ce fut pendant ce séjour de 4 années et demie à Saint-Quentin que Bunker découvrit les livres et qu'il se mit à lire et à écrire. Libéré sur parole, il retrouva le monde extérieur avec la ferme intention de suivre le droit chemin. Une nouvelle fois, Louise Wallis le prit sous son aile et procura du travail à son protégé dans un foyer de garçons, où Bunker se trouva employé comme un chauffeur, conseiller et tuteur à temps partiel. Malheureusement, sa protectrice sombra dans la dépression au point que son comportement s'en trouva altéré et Bunker perdit ainsi son seul point d'ancrage dans un monde précaire. Il prit la résolution, selon ses propres termes, de se tirer d'affaires grâce à ses talents naturels et son intelligence. Maintenant, âgé de 23 ans, il essaya d'obtenir des emplois aussi licites que ceux des lecteurs de critiques de scénarios auprès de divers studios de cinéma. Mais à cause de son casier criminel, les chances ne lui sourirent pas. Il envisagea alors l'éventualité de s'intéresser au trafic de drogue, voire à la gestion de la prostitution. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il se laissa reprendre par le milieu de la pègre, où 4 années durant, il parvint à échapper à la loi. Il avait pris ses distances avec Louise Wallis pour s'engager de manière plus active dans les voies du crime. Arrêté pour une histoire d'encaissement de faux chèques, il fut condamné une nouvelle fois à une peine d'emprisonnement de 6 mois à 14 ans à Saint-Quentin. Ce fut la plus longue condamnation que Bunker eut jamais à subir. Elle se termina effectivement après 7 années passées en détention. Durant ces 7 années, il écrivit avec une passion et une application stupéfiante, produisant 4 romans inédits. Bon, j'arrête de vous gaver la cervelle avec mon baratin, non pas de repris de justice, mais de ça et l'âde, en vous invitant à dégommer les ruelles de Los Angeles avec ce chef-d'œuvre de la littérature noire, Aucune bête aussi féroce, d'Edward Bunker. On s'écoute d'ailleurs ce dernier dans une balade en voiture. So then you cut it with your 2 crime partners, so you wind up with about $35,000, you know, so it's definitely not a $600,000 score. Oh, one night here on this freeway, 1957, I guess the spring of 57, there was a guy got out of the joint named Dizzy Davis. And I had a Jag at that time, one of those long, low, sleek Jags with a, you know, you've seen them, those old ones with a long hood and the mirrors on the thing. And we were coming in, it was about a little after midnight. In those days, the freeway was kind of empty. When we got by the interchange, I punched it. So I got it going about 100 down this freeway at night. I was going by everything, you know. Choo, choo, choo. Pretty soon, maybe about here, when I'm up there, I looked in the mirror and I saw those red lights, you know, behind me. And the chase was on. So I kept going, and when I got down here a ways, one of them come off Cahuenga, another one, and they came in front of me. And I went over to the left, and he was in front of me, and then all of a sudden I went right like a sports car will do. And I got off the ramp, and he couldn't make the turn. Under Highland, you know, where you go around and come back under. But I couldn't go under because I was going too fast. I'd spun out, and when I came out of it, I was on the this side of the fence, and he was on that side of the fence, and we were looking at each other, you know, like this. And I turned up in the hills and got away. Car is deadly to the criminal because you have to have a driver's license, and you have to, and they got trips in New York. You boom, you duck in a subway, you duck in a building. You know, you're gone. Six chases, I've got away twice. I'll tell you another thing here. For a while, when they in the 60s, they used to have what they call swinging singles apartments. This was the era when the baby boomers were all of a certain age. Et on s'écoute les Slits, Typical Girl. Et soit dit en passant, on a d'ailleurs un bouquin sur la vie des Slits à la distro, la bibliothèque. Donc, jetez-vous dessus. Thank you. Puisqu'en début d'émission, on était au Brésil, on va en profiter pour s'écouter un bon vieux groupe punk brésilien, Cholera da Fora. Puisqu'on était au Brésil, on prend une porte galactique et on se retrouve en Russie. On s'écoute un petit morceau de Psychobilly avec Master Shoops Magneto. La Distro La Pinothèque, c'est tous les derniers mercredis du mois à 20h30 et en rediffusion les vendredis à 21h sur Radio Air Libre 87.7. Les podcasts se trouvent sur le site leslapinselectriques.blogspot.com et sur le site tranchedanard.noblogs.org. Vous pouvez nous écrire un courriel à lapinothèque@riseup.net et vous inscrire sur notre mailing list et recevoir les infos radio et sorties. La prochaine sortie en vrai de la Distro Lapino, c'est au Bunker, rue des Plantes, numéro 66A, près de la gare du Nord. Mercredi 1er décembre, à partir de 18h, pour une rencontre qui se renouvellera tous les premiers mercredis du mois avec d'autres distros et des fanzineuses fanzineurs divers et variés. Discussions et concerts à l'affiche. Youpi! Toute l'équipe de la Distro La Pinothèque vous salue bien bas et on vous donne rendez-vous le mois prochain, mois de décembre, le mercredi 29 et vendredi 31 décembre. Et on s'écoute un petit morceau de Derrière les crêtes et pas crêtes, Épidémie.